27 octobre. Lecture pour Zied et Pouna, à leur mémoire et pour ne pas oublier. Voici la lecture d'un article paru le 30 septembre 2015 sur le site à-toutes-les-victimes.samizdat.net et qui s'intitule justement « Il ne faut pas oublier ». Sans aucun esprit de revanche, malgré une douleur toujours vive, Adèle Bena et Siaka Traoré racontent leur histoire, celle de famille dont la tragédie intime est devenue drame national. Voilà 10 ans qu'ils font face, ensemble. Siaka Traoré et Adèle Bena, 31 et 39 ans, sont les grands frères de Bouna et Zied. Les deux adolescents de 15 et 17 ans sont morts le 27 octobre 2005, électrocutés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ils s'y étaient réfugiés pour échapper à la police. Un troisième adolescent, Muhittin Altun, était grièvement blessé. Ce drame fut l'étincelle qui mit feu aux banlieues cet automne-là, agité durant 3 semaines par des émeutes sans précédent. En mai dernier, au terme d'une interminable procédure judiciaire, 2 policiers, mis en examen pour non-assistance à personne en danger, ont été finalement relaxés. Dans Ziad et Bouna, avec Gwenaël Bourdon, journaliste à l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien, les frères endeuillés ont raconté leur histoire. Celle de famille dont la tragédie intime est devenue drame national. Chacun de leur côté, ils nous expliquent leur démarche. Comment est née l'idée de ce récit? Siaka Traoré. Il fallait dire nos émotions, ce qu'on a vécu. Bouna et Zied sont décédés, à nous de les faire vivre. J'avais cette idée en tête et Gwenaël Bourdon est venu me proposer de l'écrire avec Adèle. Je ne pouvais pas me défausser, nos deux familles sont liées depuis 10 ans. On a toujours avancé ensemble. Cela fera 10 ans à la fin du mois. Pourquoi ne pas avoir parlé avant? Siaka Traoré. Il fallait attendre la fin de l'affaire judiciaire, ce procès qui s'est malheureusement terminé par une relaxe. Et c'est vrai que j'ai hésité. Dans ma famille, on a des principes. Il n'était pas question de faire de l'argent sur le dos des morts. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez eu le livre en main? Siaka Traoré. On ne peut qu'être fier face aux médias, la parole a toujours été limitée. Là, même dans un livre, je me dis parfois que je n'ai pas tout dit ou pas assez, mais l'important, c'était de raconter notre histoire. Adèle Bena. Je suis content que ce soit fait, pour laisser une trace. Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé. À qui vous adressez-vous? Siaka Traoré. À la France entière. Parce que ça a été un drame national. J'espère que le lecteur se dira « Ce que je suis en train de lire, ce n'est pas ce que j'ai vu à la télé ou à l'époque. » Il y a eu les émeutes et plein de récupérations politiques. Certains ont vendu du rêve sur notre cauchemar. Mais il y avait aussi des familles dans le chagrin auxquelles on avait promis transparence et justice. Et en fait, il y en a eu pour 10 ans et ce sont elles qui ont pris cette peine-là. Adèle Bena. Plein de gens pensent encore que Zied et Bouna étaient des délinquants. Ils n'ont retenu que la première version. On se souvient comment ont réagi les politiques, c'était mettre le feu aux poudres. Le livre s'adresse aussi à mes enfants qui vont grandir et demanderont ce qui s'est passé en 2005. Il montre que l'égalité et la justice sont des idéaux qui ne sont pas encore atteints. Ce récit, c'est une façon de régler vos comptes avec la police ? Siaka. Pas du tout. Je n'ai pas l'esprit revanchard. On ne va pas mettre tous les policiers dans le même panier, comme on ne veut pas les laisser y mettre tous les jeunes. Je veux juste faire prendre conscience de notre vécu. Adèle. Mon frère est mort et enterré. Rien ne le fera revenir. Quand on a porté plainte, ce n'était pas dans l'espoir de la condamnation des policiers. On attendait au maximum des excuses. C'était surtout pour que les leçons soient tirées de tout ça. Que les regards sur les quartiers changent. Comment avez-vous traversé ces 10 ans? Siaka Traoré. Très vite, j'ai dû prendre des responsabilités. Chez nous, il y a de la pudeur. J'ai dû représenter la famille auprès des médias, du monde judiciaire. Tout est allé très vite. Il y a eu des émeutes, je ne réalisais pas. On a pris sur nous pour appeler au calme. Il fallait que la France s'apaise. Depuis, on essaye d'avancer. Mais ce drame m'a forgé. Adèle Bénin. Pour nous, ce n'est pas possible de tourner la page. On souffre toujours. J'étais plein d'espoir en arrivant en France. En 2004. Mais aujourd'hui, même ma femme qui y a toujours vécu veut la quitter. Elle m'a dit, c'est pas la France telle qu'on l'apprend à l'école. Alors on va s'installer en Tunisie. Voilà, c'est la fin de la retranscription de cette interview. Un des frères de Ziad Ebouna, pardon, qui a été publié le 30 septembre 2005, apparemment sur le site leparisien.fr, et qui a retrouvé sur le site, le blog, à toutes les victimes.samizdat.net.